Chapitre 42e, qui ne risque rien à rien. On était au samedi soir, après la conversation que nous avons rapportée. Monsieur Lynn se disposait à payer les ouvriers. James Maisie était généralement chargé de cette besogne, mais Maisie était aussi l'emballeur des marchandises destinées à Londres. Une caisse devait être expédiée le soir même. C'était donc à Monsieur Lynn à remplir l'office de payeur. Il avait près de lui un sac rempli d'argent et une quantité de petits paquets bruns, contenant chacun 6 francs, mais qu'il fallait vérifier. La porte de l'escalier s'ouvrit. Un homme monta. C'était un ouvrier d'une manufacture voisine. « Monsieur Lynn, voudriez-vous nous obliger en nous donnant 250 ou 300 francs de monnaie » demanda-t-il. « Nous n'avons pu trouver à faire changer notre argent, malgré nos efforts. Les sous sont rares comme l'or. » La manufacture d'Ashley était ce soir largement pourvue. Samuel Lynn alla vers le patron assis au bureau. « Les Duns vont demander si nous pouvons leur changer 250 ou 300 francs. Nous le pouvons ce soir. As-tu de l'or dont tu puisses disposer, afin que nous ne cédions pas toute notre monnaie ?» M. Ashley regarda dans son tiroir. « Voici 175 francs. Cela suffira, » dit Samuel, en les prenant et en retournant dans la chambre voisine. « Combien te faut-il » demanda-t-il à l'ouvrier. « 300 francs, monsieur. Argent, cuivre, peu importe. J'ai apporté une corbeille. Voici le mandat fait tout exprès. » M. Lynn donna l'argent, prit le mandat et le porta à M. Ashley. M. Ashley mit le billet dans une des cases de son bureau. Il faisait le compte en double des marchandises qu'on allait expédier. William et Cyril étaient tous les deux dans le bureau. William traçait de petites figures sur des bandes qui enveloppaient des gants. Cyril le regardait faire, genre d'occupation qui lui plaisait infiniment. Le Quaker s'en aperçut. « Si tu n'as rien à faire, tu peux venir m'aider à compter les paquets de pièces de cuivre. » Cyril n'osa pas répondre non devant M. Ashley, quoique ce fût le travail qui lui déplaisait le plus. Il n'éprouvait aucun plaisir à se salir les doigts en comptant les innombrables paquets de gros sous et en les divisant en tas de 25 sous. Il obéit d'un air mécontent. Au bout de quelques minutes, James Maisie vint demander à la caisse « Le patron est-il prêt ?» M. Ashley se leva et alla dans la salle voisine en portant avec lui l'une des doubles listes. James Maisie, le second emballeur, George Duns, l'attendait. Les paquets de gants étaient disposés sur le comptoir et M. Ashley, sa liste à la main, allait les vérifier. « 3 douzaines gants d'hommes, première qualité, » appela James Maisie en lisant la marque du premier paquet. « Bien, » répondit M. Ashley. Maisie déposa le paquet sur la table d'emballage, couverte d'une épaisse feuille de papier, se tourna vers le comptoir, prit un autre paquet. « 3 douzaines gants d'hommes, première qualité, » répéta-t-il. « Bien, » répéta M. Ashley. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les paquets eussent été vérifiés. Alors commença l'emballage. La caisse avait 4 pieds de large, M. Ashley regardait. « Vous n'aurez pas assez de cordes, » observa-t-il, comment se disposait à la ficeler. « Je vous le disais bien, » Maisie, fit George Duns. « Il n'y en a plus en bas, » répondit Maisie. « Je croyais qu'il y en aurait assez. » Les ouvriers ne pouvaient quitter le ballot sur lequel ils étaient montés tous les deux. M. Ashley appela William. « Allumez une lanterne et allez nous chercher un rouleau de cordes. » William alluma la lanterne. Il était défendu de monter dans les greniers avec une simple bougie. Au même instant, Cyril, qui avait fini de compter ses paquets de cuivre, entra dans la caisse. La trouvant vide, il pensa n'avoir rien de mieux à faire que de jeter un coup d'œil dans le secrétaire de M. Ashley, dont le couvercle était resté ouvert. Il n'avait d'autre motif que de voir s'il ne contiendrait pas quelques friandises qui gratifieraient sa curiosité, ce que les comptoirs élégants ne pouvaient assurément pas lui offrir. Entre autres choses, ses yeux tombèrent sur le mandat de Monsieur Duns posé sur une des petites cases. « Cela me remonterait pendant une quinzaine que ces 300 francs, » s'écria-t-il. « Personne ne s'en apercevrait. Ashley soupçonna toute la manufacture avant de me soupçonner moi. » Il hésita un moment la main tendue. Résisterait-il ou céderait-il ? « Bois, » se dit-il, « qui ne risque rien à rien. » Il fit passer le mandat de la caisse dans sa poche, sortit sans bruit, passa dans la chambre de Mousseline où se faisait le ballot, se glissa derrière les ouvriers sans être vu, et se réfugia dans la chambre de service. Là, il reprit sa place à côté de Samuel Lynn et se mit à compter assidûment quelques talonnements qu'il avait déjà vérifiés. Samuel Lynn, la figure tournée vers les ouvriers qui attendaient leur gage de l'autre côté du comptoir, n'avait pas remarqué l'absence de Cyril, qui avait compté sur cette probabilité. « Plus rien à compter ? » demanda Cyril. Samuel Lynn tourna la tête. « Non, si tu as vérifié tous ces paquets. » Cyril sauta sur le comptoir et y resta perché d'un air innocent. William revint du grenier avec la corde qu'il tendait à George Danz, puis soufflant sa lanterne, il retourna à la caisse. Le ballot était achevé. James Maisel adressa de sa bonne et franche écriture à Messieurs James Morrison, Dillon & Co., 4th Street, Londres. On le déposa dans un char à bras qui devait le transporter à la diligence. M. Ashley retourna à son bureau. Cyril y entra. Halliburton ne voulait pas vos gages pour ce soir. Tout le monde est payé, excepté vous. M. Lynn voudrait fermer. Voici une lettre pour la poste, William, appela M. Ashley. Je vais revenir, monsieur. Je n'ai pas encore mis la caisse en ordre. Il reçut ses 40 francs, puis il alla mettre en ordre le bureau, ce qui était le vice de Cyril autant que le sien, et prit la lettre des mains de M. Ashley. Elle contenait une des doubles listes et portait la même suscription que le ballot. William était en général chargé des lettres. Il ne les oubliait plus comme la première fois. Il jeta sur ses épaules son élégant manteau que nous connaissons, prit sa casquette et alla jusqu'à la porte accompagnée de Cyril. Là, ils se séparèrent. Cyril continua son chemin. William retourna sur ses pas. Tout le monde avait quitté les manufactures, à l'exception de M. Ashley et de Samuel Lynn. Par un soir tel que celui-là, Samuel disait parfois contre Maître Maïsé, « Tu peux aller souper, je fermerai et je t'apporterai les clés. » M. Ashley remettait ses papiers en ordre, il classait les uns, déchirait les autres. Il ouvrit son tiroir secret d'une main et passa l'autre dans la case où il avait placé le mandat. Le mandat n'y était plus. « Comment ? Où est donc ce billet ? » s'écria-t-il. Samuel Lynn se retourna. « Ce billet ? » répéta-t-il. « Ce mandat des Duns que vous m'avez apporté il y a une heure. Je te l'ai vu mettre dans la seconde case, » dit le Quaker en s'approchant du secrétaire. « Je le sais, mais il n'y est plus. »« Tu l'auras changé de place, peut-être est-il dans ton tiroir secret. » M. Ashley secoua la tête, il réfléchissait. « Je n'y ai pas touché depuis que je l'ai mis là. » disait-il, « à moins que je ne l'ai déchiré par mes gardes. » Ils examinèrent la corbeille au vieux papier. Ils ne purent rien découvrir. M. Ashley ne savait que penser. « C'est bien étonnant, Samuel. Personne n'est entré dans ma chambre durant mon absence que William Halliburton. Il ne toucherait pas ton secrétaire, » affirma le Quaker. « Non, il ne permettra personne d'y toucher. J'aimerais voir William. Il pourrait nous éclairer. Le billet n'a pas pu s'envoler. » Samuel Lynn descendit chez James Macy et lui donna l'ordre d'aller surveiller le retour de William et de le prier de passer à la manufacture. William ne fut pas long à faire son apparition. On l'avertit que le patron et M. Lynn l'attendaient. Ils montaient vers eux avec empressement, persuadés qu'il allait être question du voyage en France. Grande fut sa surprise. Il se mit à rire et déclara que M. Ashley avait sans doute déchiré le mandat. Il examina minutieusement la corbeille au papier. Il ne trouva rien non plus. « C'est vraiment miraculeux, » s'écria-t-il. « Personne n'est entré à la caisse, pas même M. Lynn ou Cyril. »« Cyril est avec moi, » dit le Quaker. « En vérité, cela tient du merveilleux. » Certainement, le fait était surprenant. On ne pouvait arriver à aucune conclusion. Il était trop tard pour prendre ce soir-là aucun arrangement. Quand William rentra chez lui, il était 10h15. Frank seul l'attendait au coin du feu. Gare, fatigué, était allé se coucher. Madame Halliburton avait eu mal à la tête et s'était retirée. Et Dobbs, n'ayant rien à faire, avait suivi leur exemple. « Comme tu viens tard, » s'écria Frank. « Tout juste parce que je voulais causer avec toi. » « Sur le vieux thème ?» dit William en riant. « Oxford ou Cambridge ?»« William, vas-tu me jeter de l'eau froide dessus ?» dit Frank gaiement. « Cela ne me refroidira pas, je t'en préviens. J'aimerais mieux te jeter dessus de l'eau bouillante que de l'eau froide, Frank. Écoute, William, je commence à devenir un homme, et je ne puis supporter l'idée de vivre plus longtemps aux dépens de ma mère. À mon âge, je devrais l'aider. Je ne suis pas plus près de l'université que je ne l'étais il y a des années. » Et si je ne puis y aller, toutes mes études seront perdues. Non, pas perdu, interrompit William. Perdu quant à mon but. Je veux être avocat ou rien. Aut Caesar, aut nullus. Je veux aller à l'université. Je ne puis y aller que comme servant. Je ne m'inquiète pas de ce que diront ceux qui vont par une route dorée. La conne et Paris arrivant à Pâques. Ce sont des fils de gens riches. Je ne leur porte pas envie. Nous n'avons pas supporté si longtemps la pauvreté pour que je commence aujourd'hui à jalouser les autres. Le neveu de Wall y va aussi. Oh, vraiment ? Je croyais qu'il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas, en effet. Son père a une famille trop nombreuse pour l'aider. Aussi, nous nous sommes décidés, Wall et moi, à y aller comme servant. Je vous souhaite bonne chance. Frank se mit à rire. L'ami dont il parlait était le neveu du sous-maître du collège. Je n'ai jamais compté aller autrement à l'université, continua-t-il en prenant les pincettes et en les balançant sur le bout de ses doigts. Si par moment l'idée d'une bourse m'a traversé la pensée, je ne m'y suis pas arrêté. La question actuelle, c'est de savoir si ma mère pourra me procurer la petite somme nécessaire à me maintenir là-bas. Oui, je suis sûr qu'elle le peut et qu'elle le fera. Il y aura mes habits et les dépenses du voyage, et 1000 autres bagatelles. Wall dit qu'il nous faudrait par an 400 francs. Le dîner et le souper sont à nos frais. Naturellement, je me passerai de thé, et pour déjeuner, je me contenterai d'un morceau de pain. Et puis, il me faudra venir ici pendant les vacances, à moins que je ne trouve quelque chose à faire. Cela pourra s'arranger, Frank. Tu vas laisser tomber ces pincettes. Je ne sais pas positivement ce que nous aurons à faire comme serment, continua Frank, sans faire attention à l'avertissement. Wall dit qu'il nous faudra brosser les habits, mettre la table, servir les autres étudiants à dîner. Quoi que ce soit, je me suis mis dans la tête de le faire. Si on me charge de cirer les souliers, je chanterai en les raclant et je reprendrai mes études avec plus de courage quand je les aurai rendus bien brillants. Cirer les souliers ne serait pas un nouvel emploi pour toi, dit William en souriant. Non. Et si jamais je me surprenais à porter en vie aux mirliflores, je penserais au temps où maman travaillait pour nous tous. Et cela rabattrait mon orgueil. Nous lui devons tout à maman, et j'espère qu'un jour, elle nous devra à son tour quelque bien-être, ajouta chaleureusement Frank, les yeux pleins de larmes. C'est ce que je souhaite depuis des années, répondit William à voix basse. Cela viendra, Frank. Il me semble que je vois un pas devant moi. Te souviens-tu du rêve de papa, William ? William secoua la tête. Dernièrement, je ne distinguais pas même ce pas. En tout nous soit dit, je perdais tout espoir. Et tu sais que cela ne m'était jamais arrivé. À nous non plus, Frank. C'était l'espérance qui nous soutenait. Tu étais trop ardent. Ce que je vois de plus clair maintenant, c'est que je dois aller à Oxford comme servant. J'aimerais être avec Wall. C'est un bon garçon, quoiqu'il n'ait pas beaucoup d'imagination. Quoiqu'il n'ait pas celle de Frank Halliburton. Frank se mit à rire. Tu connais Perry. Il est allé à l'université comme servant. Je le préviens de me dire... Frank s'arrêta court, les pincettes venaient de tomber bruyamment sur le plancher.